Beaucoup d'années d'études, autant de solitude. 6 années à ramer sous d'autres latitudes. Tu as fini la fac complètement patraque. Partiels à raisonner, mais pas de cœur qui craque. Tu dois bien étudier si tu veux avancer. Structurer ta pensée, servir la société. Et faire ton numéro au cadran du boulot. Il faut être abonné pour pas finir à l'eau. Des années ont passé et maintenant tu sais que les mots n'ont jamais su transformer l'essai. Le cœur a des raisons que la tête n'a pas. Le ventre des saisons et la vie des faux pas. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas baisser les yeux. Faut pas mourir un peu, faut pas devenir creux. Faut pas grandir en vieux, faut pas quitter le jeu. Faut pas craindre le feu, avoir peur d'être deux. Ce soir ton corps est moite et ta tête est en boîte. Le rythme dans ta peau et le plaisir s'emboîte. Danse, danse, souké, danse, danse, saoulé. Karaoké collé, t'as plus qu'à t'envoler. Tang, tang, tango, allô Charlie, bravo. Décollage assuré, largage du cerveau. Joli cœur azuré, aux ailes déliées. File, file, affolé, vers une âme effilée. La sono, décibel à coco. La tête comme un pot d'amour sous embargo. Flashback sur la soirée et ce gars coloré qui glissait sur ta peau son tempo déluré. Souvenir étoilé dans la nuit décalée. Des pas sur la chaussée, sa voix acidulée. T'as deux beaux yeux coquins, pas besoin d'un dessin. Petit morceau de pain dans ses mains d'assassin. Tout le record à corps, baiser amer à mort. Dans un coin du décor, tu as peur et tu mords. Plus de mots, plus de cris, plus de vie aussi. Rien qu'un silence gris que la mort épaissit.